Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. The Clash, Should I Stay or Should I Go sur RJM, presque 8h36, anniversaire maintenant. Ils sont nés un 26 juin 1951, naissance de Robert Davy, acteur américain vu dans Les Goonies dans le rôle de Jake, Fratelli, Piège de Cristal dans le rôle de l'agent spécial du FBI Johnson, Permis de tuer, Maniac Cop 2 et 3, Predator 2, Expendables 3, la série télé, l'agence touriste, Stargate Atlantis dans le rôle de Colia, Nip Tuck ou encore Esprit Criminel. 1955, naissance de Maxime Bossis, footballeur français qui a fait carrière de 1973 à 1991 en jouant à Nantes, Paris et Nantes. Il a été entraîneur en 1996 de l'équipe de Saint-Étienne. C'est également l'année de naissance de Mike Jones, musicien britannique, guitariste et chanteur du groupe The Clash. 1956, naissance de Véronique Jeunesse, actrice française connue pour son rôle du commissaire Julie Lescaut dans la série du même nom, vue également dans la série Merci Patron ou encore Nos Chers Voisins. C'est également l'année de naissance de Chris Isaak, chanteur américain notamment connu pour le titre Wicked Games, dont on écoute tout de suite un petit extrait. Voilà pour l'extrait du titre de Chris Isaak. On continue. 1961, naissance de Thierry Nunn, chanteuse américaine du groupe Berlin. 1963, naissance de Dushka Esposito, chanteuse française connue pour avoir été plus jeune une chanteuse de Mickey. 1966, naissance de Danny Boone, humoriste, acteur, réalisateur, scénariste et producteur français. Vu dans Le Déménagement, Pédale dure, Joyeux Noël dans le rôle de Ponchel, La Doublure dans le rôle de Richard, La Maison du Bonheur dans le rôle de Charles Boulin, Bienvenue chez les Ch'tis dans le rôle d'Antoine Bailleul, De l'autre côté du lit, Le Code a changé, Rien à déclarer dans le rôle de Mathias Ducatel, Astérix Obélix au service de Sa Majesté dans le rôle de Tête de Piaf, dans le film qui porte le nom du volcan islandais là, imprononçable, vu également dans Super Condriac dans le rôle de Romain, dans Radin dans le rôle de François Gauthier, Red Dingue dans le rôle d'Eugène Froissart, La Ch'tis de Famille dans le rôle de Valentin D, et il sera cette année à l'affiche du film Le Dindon. Il jouera le rôle de Pontagnac. Réalisateur et scénariste des films La Maison du Bonheur, Bienvenue chez les Ch'tis, Rien à déclarer, Super Condriac, pardon, Red Dingue, La Ch'tis de Famille, et producteur du film, enfin coproducteur du film Red Dingue. 1967, naissance d'Olivier Dahan, réalisateur scénariste français à qui l'on doit Les Rivières Pourpres 2, La Môme, Les Seigneurs ou encore Grâce de Monaco. 1969, naissance de Colin Greenwood, musicien britannique du groupe Radiohead, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Creep. When you were here before, couldn't look you in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. wish I was special. Voilà pour l'extrait du titre de Radiohead 1970, j'en ai raté quelques-uns. Naissance de Chris O'Donnell, acteur américain vu dans les années 90 dans le film Les Trois Mousquetaires dans le rôle de D'Artagnan, vu dans Batman Forever et Batman et Robin dans le rôle de Robin, dans la série télé Mon Oncle Charlie, Grey's Anatomy, mais surtout connu pour son rôle de Jake Allen dans NCIS Los Angeles, rôle qu'il a d'ailleurs repris quand les séries se sont croisées avec NCIS Enquête Spéciale et Hawaii 5-0. 1972, naissance de Garou, chanteur canadien. 1979, naissance de Ryan Tedder, chanteur, auteur, compositeur américain du groupe One Republic, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Apologize. Got me 10 feet off the ground, and I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say Voilà pour l'extrait du titre Apologize des One Republic. 1980, naissance de Jason Schwartzman, acteur américain vu dans Rushmore dans le rôle de Max Fisher, le film Ma sorcière bien-aimée dans le rôle de Richie, ou encore dans le film Marie-Antoinette dans le rôle de Louis XVI. C'est également l'année de naissance de Cynic, rappeur français, notamment connu pour son titre Autodestruction, dont on écoute tout de suite un extrait. Je suis ce père de famille, je n'ai pas su rouler ma bosse. Plus je me défonce à l'alcool, plus je me défoule sur ma gosse. Je suis cette femme qui rêve d'une carrière dans le disque, qui veut être star du cinéma, qui fera la pute dans le X. Je suis un étranger, dis-moi je peux faire quoi, puisque je ne fais que déranger, c'est ce que la France veut me faire croire. Je suis sans domicile, défiguré comme Albator. La société me fait comprendre qu'elle prend les hommes pour des labradors. Je suis maton, j'enferme les hommes sans regret. Je prends du plaisir quand je me rappelle qu'on me tapait à la récré. Je suis fugueur parce que mon cœur n'est plus qu'une cicatrice, parce que les juges me veulent en psychiatrie. Je suis un clown dans un piteux état, je m'oblige à être drôle pour oublier que ma vie ne l'est pas. Je suis un fou qui a perdu la boule, puisqu'on m'a traîné dans la boue, je viens dégainer dans la foule. Parce qu'on perd tous la raison, on rêve de brûler les saisons et de voler vers un horizon moins sombre. On veut pas être comme tout le monde, c'est soit on sort de l'ombre, soit on... Autodestruction de Cynic. 1981, naissance de Damien Sargue, chanteur français connu pour avoir joué le rôle de Roméo dans la comédie musicale Roméo et Juliette. Il a participé à la 4e saison de Danse avec les Stars et dans la comédie musicale, il avait notamment le titre Les Rois du Monde. Petit extrait. Ils ont la plus belle vue, mais y'a un mais. Ils ne savent pas ce qu'on pense d'eux en bas. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls. Dans leur château là-haut, ils s'ennuient. Pendant qu'en bas, voilà pour l'extrait du titre Les Rois du Monde. 1987, naissance de Samir Nasri, footballeur français qui de 2004 à 2008 a joué à Marseille, de 2008 à 2011 Arsenal, de 2011 à 2017 Manchester City, de 2016 à 2017 il a été prêté à Séville et pendant la saison 2017-2018 il a joué à Antalyaspor. 1992, naissance de Rudy Gobert, basketteur français qui de 2011 à 2013 a joué à Cholet et depuis 2013 il joue en NBA pour l'équipe de Lutte Jazz. 1993, naissance d'Ariana Grande, chanteuse américaine. On écoute tout de suite un extrait du titre One Last Time. Voilà pour l'extrait d'Ariana Grande. En 1810, décédé Joseph Michel Montgolfier, inventeur français, inventeur de la montgolfière. En 1836, décédé Claude-Joseph Rouget de Lille, compositeur français, auteur de la Marseillaise. En 1967, décédé Françoise d'Orléac, actrice française, vue dans La fille aux yeux d'or, Tout l'or du monde, Arsène Lupin contre Arsène Lupin et Les demoiselles de Rochefort dans le rôle de Solange Garnier. Et en 1997, décédé Israël Kamakayole, chanteur américain connu sous le nom de Ease, également interprète du titre Over the Rainbow, dont on écoute tout de suite un extrait. Voilà pour l'extrait du titre Over the Rainbow. Et en 2012, décédée Nora Ephron, scénariste réalisateur américaine qui a réalisé Vous avez un message, ma sorcière bien-aimée, Julie et Julia, scénariste de Quand Harry rencontre Sally, ma sorcière bien-aimée et Julie et Julia. Allez, petite pause avec le groupe Berlin et leur tube Take My Breath Away. Time. Take My Breath Away du groupe Berlin sur le 107FM, un peu plus de 8h51, on parle météo. La météo. Très belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 12 et 13 degrés ce matin, entre 23 et 25 degrés cet après-midi. Pour mercredi et jeudi, du soleil également. Pour mercredi, des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 24 et 26 degrés l'après-midi. Et pour jeudi, ce sera entre 14 et 15 degrés pour le matin et entre 24 et 26 degrés environ pour jeudi après-midi. Allez, on passe à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Tennis au tournoi d'Antalya, Herbert s'est qualifié hier en 2-7 face à Debonis, 7-6, 6-4, pas de français sur les cours aujourd'hui. À Eastbourne, Mladenovic s'est qualifié en 3-7, 6-7, 7-5, 6-3 face à Watson, elle affrontera aujourd'hui Barty. Côté messieurs, à noter qu'Andy Murray renoue avec la victoire, il a éliminé hier Stan Wawrinka. Aujourd'hui, Gilles Simon affrontera Mayer. Et un mot de biathlon, puisqu'on a appris hier que Daria Domracheva prenait sa retraite à 31 ans. Pour s'occuper notamment de sa famille. Hein. Je vous le rappelle, Daria Dobracheva est l'épouse d'Oleinar Björdalen qui a également pris sa retraite. Allez, on s'envole pour la Russie. Allez, les résultats, les derniers résultats du groupe A, l'Arabie Saoudite s'est imposée 2 buts à 1 face à l'Égypte et l'Uruguay s'est imposé 3 buts à 0 face à la Russie. Termine donc premier du groupe A, l'Uruguay, deuxième la Russie et dans le groupe B, ça a été au bout du suspense hein, hier soir. L'Espagne et le Maroc ont fait match nul 2 buts partout, l'Iran et le Portugal ont fait match nul 1 but partout. Terminant premier du groupe B, c'est l'Espagne, deuxième le Portugal, ce qui donnera donc en huitième de finale, Uruguay, Portugal et Russie, Espagne. Aujourd'hui à 16h, il y aura Australie-Pérou, mais surtout le match que nous, Français, attendons, eh bien, c'est Danemark-France. Alors, un point sur la composition avec pas mal de changements. Dans les buts, ce sera Mandanda. Côté défense, il y aura Sidi Bé, Varane, qui sera promu au poste de capitaine, Kimpembe et Hernandez. Ensuite, on aura N'Golo Kanté, Nzonzi, Griezmann, Dembélé, Lemar et Olivier Giroud. Objectif, première place. À 20h, il y aura Islande, Croatie et Nigeria, Argentine. Allez, on fait tout de suite eh bien, notre dernière pause avec Garou et le titre Seul. Tant de fois j'ai tenté d'aller toucher que souvent tombant, je m'y suis fait mal. Tant de fois j'ai pensé avoir franchi les limites, mais toujours une femme m'a remis en. J'ai grimpé jusqu'au plus haut des cimes, que je me suis retrouvé seul au fond de l'abîme, seul au fond de l'abîme. Celui j'en ai l'amour, la gloire. Il y a toujours un soir où l'on se retrouve seul, seul au point de départ. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, peut-il se marrer? Peut-il aimer jamais? Tant de fois j'ai été jusqu'au bout de mes rêves, que je continuerai jusqu'à ce que j'en crée, que je continuerai. Seul Garou sur RGM, il est presque 8h59, c'est donc l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h, durablement vôtre. 15h, libre-échange de Radio Carib Nancy, 16h, rediffusion de Jukebox, 18h, l'heure des loups avec Lou, 20h, la parole est à vous avec Michel, 22h, j'aimais, je vous le lis avec Dominique, et nous on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.